suis dans le ciel. Peu après le dernier point, on m'a menti, la vie est belle. Ouais, un peu moins en fond de teint. Je me satisfais de l'essentiel. C'est plus ton pas là quand j'ai faim. Je regarde mon frère et je me rappelle. Ferme ta gueule, je sais d'où je viens. Pour l'être humain, j'ai de la haine. Que Dieu me garde. Ouais, pour les chiens, j'ai plus de peine. Pardonnez-moi si je m'égare. Je rêve de salaire, mais j'ai la flemme. Je veux plus taper, je veux faire du sale. Ouais, nique sa mère, la coupe est pleine. Ouais, tout est bien qui finit mal. 2017, elles sont sans gêne. Qu'est-ce qu'elles feraient pour 500 gemmes? Y'a plus d'amour, y'a que du seum. On récolte ce que l'on sème. J'suis dans le, ciel. Peu après le dernier joint, on m'a menti, la vie est belle. Ouais, un peu moins en fond de teint. J'me satisfais de l'essentiel. C'est plus ton pas là quand j'ai faim. J'regarde mon frère et j'me rappelle. Ferme ta gueule, je sais d'où je viens. Wesh, c'est comment? Ça y est, ça commence. M'en bats les reins, pourquoi tu commentes? Fuck tous ceux qui tiennent les commandes. J'suis pas con, j'm'en bats les couilles. Scuff cherche ma con, ça les fouille. J'ai les cartes en main, c'est à moi de jouer. J'ai peur de couilles, j'ai pas le droit d'échouer. Si je mens, je pense, c'est vérité. J'suis là, j'fais mon job à plein temps. J'croque la vie, pas la forme à pleine dents. Nique sa mère, j'ai les gens, c'est vérité. En temps de crise, j'suis à la plage. J'écris l'histoire, j'suis à la page. J'roule au feu vert, j'franchis pas la ligne blanche. J'suis sur ma route, je garde mes distances. En d'autres termes, je me conduis bien. Ouais. Yeah. Ouais. J'suis dans le ciel. Peu après le dernier joint.